Non, mais on s'en fout, l'utilisateur pour Facebook, là, c'est pas ça l'important. Si ça peut s'adonner à faire plaisir au monde, tant mieux, mais c'est pas le but premier, c'est clair. Non, c'est non. C'est pas de même qu'il a fait ses millions, Mark Zuckerberg. Non, non, non. On n'a pas écouté de Chiptune hier, donc on va en écouter un petit peu aujourd'hui. Oh. Hein, je sais. Mais par contre, pour te faire plaisir, je me suis dit, je vais choisir une chanson que je crois que t'aimes. Daft Punk. Oui, Daft Punk. Je savais, je voulais te faire plaisir un petit peu. J'aime ça, Daft Punk. Ben, c'est bon, Daft Punk. C'est bon le matin aussi, ça te motive. Pour vrai? À rien faire. Non, couch vrai. Potato. Prends ta petite pilule musculaire. C'est toi, ça. C'est moi, ça. Tu me complimentes, ouais. Daft Punk par Benjetta, version 8-bit dans Scénic. Ça ressemble à jouer. C'était pas longue? Non, c'est ça, Daft Punk, version 8-bit par Benjetta. Et comme on disait, hors ongle, là, j'aime beaucoup mieux Daft Punk que Round the World. Ouais. Les deux sont très similaires. Ça ressemble étrangement à ça, à peu près à ça. Mais c'est bon aussi. Moi, j'aime pas ça. Les deux. Mais comme il disait sur Wikipédia, Around the World, la phrase est dite 144 fois dans la version album c'est et pas mal, hein, 80 fois dans la version radio. Tu sais, quand même. Combien dans la version radio? 80. 80. Moitié, mais non, je trouve que c'est beaucoup trop. Moi, de la musique qui se répète, ça va, mais les paroles qui se répètent, juste pas capable. La collègue préférée de François-Olivier, c'est Célix, évidemment. C'est Onyx. Ultra Geek pour ce mercredi 11 janvier 2012. On résume les nouvelles depuis hier. Commençons avec une nouvelle technologie, un nouveau pulvériseur pouvant stopper un saignement presque instantanément. Ah ouais? Ça coagule le sang? Ben c'est ça, genre. Ça vient d'être développé par le Massachusetts Institute of Technology. Oh. Les parents geeks du monde entier, soyez heureux, nous dit l'article de branchez-vous.com. Probablement un peu dispendieux et assurément très pratique pour l'armée et les hôpitaux, mais on peut rêver. Une équipe de chercheurs financée par l'Institute of Soldier Nanotechnologies du MIT et par une entreprise du Danemark, Ferrosan Medical Devices, ont en effet développé un composé biologique à l'échelle nanométrique, okay, qui comprend de l'acide tannique, un antioxydant présent dans le thé, et de la thrombine, qui est un agent coagulateur. Ce composé doit être pulvérisé en deux couches protectrices sur une matière, par exemple une éponge. Okay. Je cite, « La capacité d'entreposer cet agent coagulant sur des éponges est très attirante parce que vous pouvez les emporter, les entreposer et les sortir au besoin très rapidement. » Explique une professeure en génie et directrice de recherche. Sinon, un petit pulvérisateur aussi, là, tu sais. Ouais, ben, c'est pour laver les lunettes, là, c'est pas gros. Ouais, ça serait, il me semble, une meilleure idée. Ben, mais bon, mais il y a peut-être une raison que ça se fait pas. Je sais pas. Les saignements incontrôlés peuvent être extrêmement problématiques sur un champ de bataille ou dans les salles d'urgence, nous dit-on. Hein? C'est quand même, ça vaut la peine de le dire. Les soldats utilisent présentement la technique du garrot, hein, ce qui n'est pas très pratique pour certaines parties du corps. Et plusieurs hôpitaux font appel à une éponge gélatineuse très absorbante produite par Ferrosan, qui nécessite une immersion dans la thrombine avant son usage. Elle ne peut donc pas être utilisée par les soldats. Les éponges peuvent être entreposées pendant des mois et une simple pression du pouce pendant 60 secondes permet l'arrêt complet des saignements. C'est peut-être plus simple comme ça pour certaines parties du corps. De juste appuyer sur une éponge et avoir le... Ouais, peut-être, mais encore là, et quand tu parles à la guerre, je m'excuse, mais si, mettons, ta jambe arrache... C'est pas une éponge, ben, j'ai des doutes, là. Ouais, c'est ça. J'ai des doutes. Ouais. Moi, je pensais plus, tu te graffines, je sais pas. Une balle dans l'épaule, je sais pas. Une balle dans l'épaule qui ressort de l'autre bord, je sais pas. Ça peut rafler profondeur de peau. Je sais pas. L'essayer dessus. Je connais pas ça. Moi, non, ça va aller. On parle du CES maintenant qui a lieu en ce moment, tu savais ça? Ben, c'est toi qui me disais ça hier. Le Consumer Electronics Show. C'est commencé? Oui, c'est commencé depuis lundi. En fait. Ah, OK. Mais ça a commencé lundi, ensuite ça a continué. OK. Ça commence pas depuis lundi. Non, mais je pensais que ça commençait comme le jeudi. Non. Jeudi, vendredi, samedi. Maintenant. C'est lundi, c'est vrai. Que ça prenait son envol avec la présentation des conférences de presse de plusieurs grandes compagnies, dont LG, Samsung, Sony et Microsoft. Toutes ces compagnies ont présenté leurs nouveaux produits pour l'année 2012. On a le droit à des choses, nous dit-on, assez intéressantes. Comme quoi? On commence par la grosse présentation, la dernière présentation en fait au CES de Microsoft. Steve Ballmer, le PDG de Microsoft et son équipe nous ont fait part des nouvelles avancées de la compagnie dans le secteur de la mobilité, du jeu vidéo et ils nous ont aussi présenté le nouveau système d'exploitation Windows 8 qui avait fuité sur Internet il y a des mois de ça. Fuité. J'adore ce mot-là. Moi aussi. C'est tout le monde là d'installer. Ouais. C'est illégal complètement, c'est comme... Mais bon, ça arrive. Ce qu'on retire de la nouvelle version du système, c'est qu'il possède une nouvelle interface qui s'appelle Metro Style. Et ça, c'est disponible sur toutes les plateformes, les téléphones mobiles, les tablettes, les PC, etc. Ça permettra donc d'avoir une continuité entre les appareils et ainsi faciliter grandement la vie des utilisateurs de Windows, pour vous. Microsoft a aussi présenté plusieurs Ultrabooks de plusieurs compagnies comme Acer, HP et Samsung qui sont déjà disponibles sur le marché et qui seront ou qui le seront pendant l'année. Ils ont aussi assuré que tous les ordinateurs dotés du système Windows 7 seront automatiquement prêts, oui, pour Windows 8. Donc, une bonne nouvelle de ce côté-là. Ah, c'est bien. Toujours au CES, et là, ça, tu vas aimer ça, toi qui es redevenu un fan de cassettes, tape cassettes. Ouais. Ben, fan, c'est plus par obligation, mais bon. Nécessité. Nécessité, ouais. Mais quand même, Sony annonce le retour du Walkman. Oh! C'est là. J'en achèterais-tu pas un, tu penses? Non, un jaune, une petite clip sur le bord avec un... Non? Je t'imagine avec ça. C'est lors de sa conférence de presse que Sony a annoncé une nouvelle version de son populaire Walkman au CES. Le Walkman Z1000, le Z1000, conçu pour les amoureux de la musique, offre un design très raffiné, une qualité sonore impressionnante, et ce grâce à la technologie S-Master MX. De c'est vraiment les cassettes, non? C'est vraiment... Non, c'est ça. Ça réduit le bruit et la distorsion. L'appareil offre, offre aussi la possibilité d'accéder à sa musique très rapidement à partir du bouton W qui donne un accès à direct à la librairie. Donc, on s'attend, dans le fond, ça va être un lecteur MP3, mais de marque Walkman. Sony offre aussi une option si vous voulez télécharger de la musique. Son service Music Unlimited permettra aux élèves de découvrir de la nouvelle musique, synchroniser leur librairie sur le nuage. Ça, c'est sur Internet, là. Et la partager avec d'autres. Écran multi-tactile de 4,3 pouces, un peu comme les gros téléphones, là, Android, genre. Depuis, le Walkman vous permet de jouer à des jeux et regarder des vidéos. Son système intégré vous permet aussi d'accéder au Marketplace de Google et avoir accès à une gamme d'applications. Donc, dans le fond, c'est un lecteur MP3 intelligent qui ressemble à un téléphone, mais sans les fonctions de téléphone. Si je comprends bien. Le Walkman Z1000 sera disponible en trois modèles, 8, 16 et 32 gigs. Vous pouvez aller voir sur le site de Sony pour en savoir plus. C'est évidemment sur Sony.com. Mm-hmm. Sony.com. Le lien sur assemblage. Ça vaut combien? Est-ce qu'on a un prix, non? Ça ne l'écrit pas, malheureusement. Attends un peu si on clique sur le lien Store. Là. Shop Now. C'est beau. Ça ressemble à un iPod. C'est pas fou. À partir de 249$ pour le modèle... Le modèle 249 à 8 gigs? Non, attends, il y en a un 180 aussi. Ben, c'est parce que la A-Series et la Z-Series, mais tantôt on parlait du Z1000, donc dans la série des Z, là, 329, 279, 249 pour 8, 16 et 32 gigs. Pas dans l'ordre, là. Mettez les prix dans l'ordre des grosseurs, mais à peu près, c'est à peu près ça. Voilà. Non. Pour quelque chose, je sais pas. Tu pourrais prendre un cellulaire et avoir les mêmes fonctions et peut-être même mieux. que voulez-vous. Parlons de, justement d'applications mobiles qui surpassent la navigation web, François. La firme d'analyse Flurry confirme que l'usage quotidien d'applications mobiles surpasse de nouveau la navigation web en provenance d'appareils mobiles et d'ordinateurs personnels. Donc, en juin passé, Flurry dévoilait qu'un utilisateur moyen passait 81 minutes quotidiennes à utiliser des applications mobiles et 74 minutes directement sur le web par l'entremise d'un navigateur. Les nouveaux chiffres dévoilés récemment appuient cette tendance, alors que le temps passé sur des applications grimpe à 94 minutes par jour et que celui-ci passé sur le web baisse à 72 minutes quotidiennes. 94 minutes par jour en moyenne? En moyenne. Par utilisateur? Par utilisateur. C'est malade. Sur les applications. Sur... Ben, imagine tous ceux qui vont sur Facebook à chaque 30 secondes parce qu'il y a un poke. C'est ça? OK, ouais. Ça vient, puis de Twitter, puis il faut que je mette à jour mon blog, puis mettre des photos, puis... C'est beaucoup, 94 minutes, quand même. Hey, c'est énorme. Oui, parce que c'est en petite dose, là, je veux dire, à un moment donné, ça veut dire que tu y vas pendant toute la journée à intervalles réguliers. Entre juin et décembre 2010, les études... excuse-moi, il faut que je recommence encore ma phrase. Recommence, Mathieu, je t'aime. T'es fin. En juin aussi. Ça fait longtemps que je voulais te le dire. Ben, ça fait longtemps que j'attendais. Les opportunités sont pas fréquentes. Ben, il y en a beaucoup. En ce début d'année, Mathieu. Prospérité. Non. Okay. Crève de faim, mon sac. Bon, okay. En juin et en décembre 2010, les études précédentes suggéraient pourtant que la consommation web était supérieure à l'utilisation d'applications mobiles. D'ailleurs, l'usage quotidien de ces applications a fait plus que doubler entre juin 2010 et décembre 2011, passant de 43 minutes à 94, comme on disait. Flurry rapportait au début janvier 2011 qu'un nombre record d'applications furent téléchargées durant la période des fêtes, confirmant d'autant la très grande popularité de ces dernières. Les analystes soulignent du même souffle que depuis l'ouverture du App Store d'Apple et celui du Android Market sur Android, près de 40 milliards de téléchargements d'applications sont comptabilisés à ce jour. Pas surprenant. Moi, je télécharge beaucoup d'applications que je me sers pas. Ouais. Ben ça, ben quand c'est gratuit. Là. Ouais, non, c'est ça. Moi aussi, il y en a plein là, en fait, que j'utilise. Pas que tu utilises seulement une fois quand tu downloads. Puis si tu laisses là parce que tu trouves ça moyen. Ouais, ou des fois tu trouves ça impressionnant, mais ça n'a pas vraiment d'utilité. C'est fun à montrer. Tu sais, comme l'affaire de Walkie Talkie, à un moment donné, tu montres ça, c'était cool. T'sais, on s'en est servi, c'était le fun. Ah, c'est vrai. Mais on s'en est jamais servi. Prends la batterie. La batterie pour rien. Marche. Donc, une autre affaire de dépassement de technologie, le numérique dépasse les supports physiques. Le numérique dépasse les supports physiques. MP3 dépasse les CD, ce genre de choses-là. Donc, aux États-Unis, en 2011, les ventes musicales au format numérique ont, pour la première fois de l'histoire, rattrapé celles des supports physiques. Selon un rapport publié par Nielsen et Billboard, les achats de musique au format numérique ont représenté 50% des ventes de musique l'année dernière. Les ventes d'albums ont par ailleurs grimpé pour la première fois depuis 2004, plus 3%, notamment grâce aux albums de... nos amis Lady Gaga et Adele. Oh. Par rapport à 2010, les ventes d'albums numériques ont augmenté de 20% à 103 millions, celles des CD ont baissé de 6% à 225 millions et les ventes de singles numériques ont augmenté de 9% à 1,27 milliard. Milliards, incroyable. Milliards. Wow, le succès international de l'album 21 d'Adele, qui s'est vendu à 5,8 millions d'exemplaires, y est pour beaucoup, selon Nielsen SoundScan. On s'en fout, je saute le reste du paragraphe. L'album de Noël de Michael Bublé, super. Lady Gaga, merveilleux. Close the window. Prochaine nouvelle. Parlons de jeux vidéo un petit peu... en fait, je pense que c'est un petit peu mélangé. Il y a une dernière nouvelle de technologie. À la fin programmée de la télécommande et de la souris. On n'est pas encore rendu là, nous dit la presse, mais les fabricants de téléviseurs et d'ordinateurs personnels semblent résolus à se débarrasser des deux périphériques les plus importants à ce jour et deux de mes préférés. Écran tactile et capteur intégré menaceront bientôt la souris et même la télécommande. Moi, j'adore les souris, j'adore les télécommandes. C'est deux de mes gadgets préférés. J'en ai plusieurs de chaque. Hein. Et ça me rend triste qu'un jour, ça va peut-être disparaître. Je sais pas si ça va complètement disparaître. Il va sûrement y avoir tout le temps le backup de la télécommande. Pour les fois que ça marche. Ouais. Deux tendances fortes se dessinent dans l'électronique en 2012, tentant de faire hausser les attentes pour la prochaine génération de ses portables ultra minces à processeur Ivy Bridge. Intel a dévoilé des appareils à écran tactile. Ces écrans sont actifs non seulement quand on convertit l'appareil en tablette, mais aussi sur le mode normal, c'est ça? Ça permet de déplacer des fenêtres, de cliquer sur des icônes, de faire défiler du texte du bout du doigt. Donc des tâches qui étaient destinées à la souris. Intel va plus loin encore, suivant une tendance forte dans l'électronique. Intel promet des PC pouvant être commandés par la voix et par les gestes. Technologie similaire à la Kinect de Microsoft. D'ailleurs, on en parlera dans la prochaine nouvelle. Cette technologie est aussi intégrée dans un téléviseur haut de gamme de nombreux fabricants. Donc vous allez pouvoir, tu sais, on a déjà parlé de ça ici, mais contrôler les chaînes de la télé, gauche-droite avec la main, ou en bas le volume. Pas sûr ces affaires-là, mais quand même, ouais, ça pourrait permettre de bouger. Hein. Mais moi, c'est que... Ouais, mais souvent, tu veux pas bouger. Non, il y a ça, là, quand t'es assis sur le divan. Mais tu sais, exemple, là, je sais pas, là, tu sais, t'es veg dans le divan. C'est-tu le fun, juste faire pic, pic, pic, pic, avec c'est ton pouce. C'est ce que je trouve. Puis tu sais, je veux dire, moi, je regarde pas la télé c'est en zappant. C'est la beauté de la nature, là. Ouais. Est-ce que tu zappes beaucoup? Ouais, quand non, même. Moi je guide beaucoup, tu sais, je vais dans le kit. Ouais, ok, ouais. Moi, mais je zappe pas vraiment channel up, channel down. Non, moi non plus. Je guide, mais souvent, pack, mettons, tu changes de poste, tu tombes sur une pub, ouais, tu reviens. Exactement. On donc, a le même style. Ben voilà, on est pareil, tu sais. Symbiose, ça sent bien, symbiose. Donc, on parlait de Kinect sur PC, ça s'en vient en février, ça, François. Février, c'est annoncé à Las Vegas au CES. Encore une fois, le grand patron de Microsoft, Steve Ballmer, a profité du CES à Las Vegas pour annoncer que sa console, en fait, ça dit que sa console Kinect, c'est pas une console Kinect, c'est un périphérique pour la console Xbox 360, mais bon, sera disponible pour le PC dès le 1er février. Microsoft veut faire de sa console une porte d'entrée. Ah, je regardais, c'est un article de QMI, ça. C'est ça. Les faits. Microsoft veut faire de sa console une porte d'entrée menant ses usagers vers le divertissement maison par l'intermédiaire de leur téléviseur intelligent. L'ensemble sera compatible avec Windows 7 et Windows 8, dont on a parlé tantôt. Il s'agit de la seule annonce d'importance effectuée par l'entreprise lors de sa conférence. Ah, ben c'est bien. QMI qui juge l'importance des nouvelles, donc le reste n'était pas important. Bon, ben c'est dit, hein. Des rumeurs prêtaient à Microsoft l'intention d'annoncer sa future génération de Xbox, mais elle la fera sans doute à l'occasion de l'E3 en juin. C'est la foire de jeux vidéo. Encore une fois, la console Kinect, hein, oui, est équipée d'une caméra infrarouge et de microphones permettant aux joueurs d'interagir avec leurs jeux grâce à leur mouvement ou leur voix. Le périphérique, je veux dire comme fou, ne requiert pas de manette. C'est la première du genre à avoir été lancée. Blablabla. Durant sa conférence, Steve Ballmer a indiqué que la Kinect s'est écoulée à plus de 18 millions d'exemplaires dans le monde depuis son lancement en 2011, tandis que la console Xbox peut revendiquer plus de 66 millions de ventes sur la planète. Finalement, Steve Ballmer a indiqué que l'entreprise fera l'annonce de fonctionnalités supplémentaires pour Kinect sur Windows au mois de février. Mais c'est fait avare de détails. Moi, j'aurais aimé que l'article dise que ça va coûter 250$ le petit périphérique Kinect pour le PC. Mm. Donc, si je comprends bien, tu pourras pas prendre la Kinect de ta Xbox pour l'avoir sur la plugger. Pourtant, c'est plugé USB. Ouais, ben c'est exactement ça. Donc, ça me fait penser que peut-être que tu vas pouvoir, je sais pas. Mais tu sais... T'installes un logiciel. Un pilote, c'est ça. Pilote, mais pourquoi ils vendraient une version Kinect for Windows à 250$ alors que Kinect pour la Xbox, c'est pas comme 150$? Mm. Ouais, c'est pas cher. Donc, j'imagine qu'il doit y avoir une barrure là-dessus. Vous voulez faire quelque chose de spécial. En fait, je repense à mes affaires. Je pense que la Kinect pour Windows, c'est qu'elle va prendre les mouvements de plus près. Donc, ça doit être une caméra différente avec un autre objectif pour pouvoir te voir à moins d'un mètre, alors que la Kinect, il faut que tu sois à plus de X distance. Ça se peut. Et l'Xbox doit fournir la carte graphique quand même rapidement, tandis que sur un ordinateur, j'imagine... Qui doit être dedans, peut-être. Peut-être que ça doit être intégré à la caméra. Donc, c'est flou, mais je pense qu'on a pas mal amené les On a mis le doigt dessus! Oh, lui, le doigt, ça patate. Sans rapport. Patate. En bref, je vais vraiment y aller vite sur celle-là parce que je m'en fous un peu, mais Polaroid présente un appareil photo à fonction Android smartphone et non un smartphone avec une caméra Android, une caméra Polaroid. Est-ce que tu comprends le principe? Ça va être une caméra Polaroid avec un objectif d'une caméra, ça va être une caméra, mais à l'arrière, l'écran va être un smartphone Android tactile. OK. À la place d'être un Android et avec une petite caméra cheapo, ça va être une caméra supposément de luxe Polaroid avec Android dedans. Donc, quand même, ça a été annoncé au CES. Ça aussi, allez voir les photos sur assemblagerequis.com. En jeu vidéo, rapidement, la Xbox 360 en quelques chiffres. Le CES a permis à Microsoft de préciser fièrement que la Xbox 360 s'était à ce jour écoulée à plus de 66 millions d'unités dans le monde, soit 16 millions de plus que l'an passé. On a aussi appris que le nombre de comptes Xbox Live dépassait à présent les 40 millions et que, contrairement à ce que prévoyaient les détracteurs, Kinect a très bien marché. On disait 18 millions de consommateurs qui se sont procurés ça. Alors que du côté de Sony, ils ont annoncé que pendant la période des fêtes du 18 novembre au 31 décembre, plus de 3,9 millions de PlayStation 3 sont écoulés, tandis que 1,7 million de PS Move trouvaient prenant. Du côté de la PSP, c'est 1,6 million d'unités. Donc les gens ont quand même acheté la PSP pendant la période des fêtes, alors que la PS Vita s'en vient là, dans les prochaines semaines, mois. Là. La nouvelle version PSP 2 style là, qui s'appelle la PS Vita. Vas-tu l'acheter? Je sais pas. Je sais pas. Parce que j'ai une PSP, tu sais. PSP. T'as un PS3 aussi? Ouais, c'est ça. PS3, j'ai plus joué là, quand même. PSP, je dirais que... pas joué tant que ça. Plus ton Nintendo DS. C'est exactement ça. Quand j'ai le choix entre les deux, à un moment donné, quand t'as PS3, oui... Ouais, c'est parce que tu peux juste nous dire un à la fois. Ben, c'est ça. Puis là, je commence à découvrir des petits jeux sur Steam, sur PC, sur Mac, dans le fond. Et puis, c'est le fun, ça. Tu joues avec ton ordi, là? Ouais, c'est ça. Fait que non, je suis pas sûr. Peut-être juste. Ben, c'est qu'en même temps, si je décide, mettons, de la vendre dans un magasin, ça va être contre du crédit, ça. Fait que j'ai pas choisi d'acheter d'autres choses. Mais tu peux acheter des jeux de DS ou de Wii aussi. Ou des accessoires, en tout cas. Bref, on verra. Et la PS Vita de Sony dont on parlait, qui va proposer Netflix, donc vraiment comme ça, la nouvelle console portative de Sony, la PlayStation Vita, va offrir un service de lecteur multimédia que tout le monde commence à connaître après tant d'années d'existence. Ça commence à être populaire, Netflix. Un peu comme sur la Xbox 360 et sur toutes les autres consoles, là, oui, la PS3, il va y avoir Netflix. Il y a ça sur la 3DS aussi, Netflix déjà. Mm-hmm. Donc sur la PS Vita. Voilà pour le bloc Cinex d'aujourd'hui. Quand même, le CS continue avec plein de nouvelles sur plein de choses que moi je trouve relativement inintéressantes par moment. Il y a des choses intéressantes au CES, mais c'est souvent juste des petites avancées de technologie. Tout c'est pas quelque chose qui te ferait plaisir d'aller là? Ben, ça me ferait plaisir d'aller là pour essayer quelques affaires. C'est sûr que c'est impressionnant, tu sais, une nouvelle. Ils sont tous là, là. Ils sont tous là, mais c'est d'en parler, d'en entendre parler, je trouve ça. C'est comme, bon, ben, Colin, hein, fait un pouce de plus l'année passée, hein, yeah, c'est tout le temps pas mal la même chose, on dirait, t'sais. Je sais pas, même le nouveau téléphone, oh, oups, tu sais, un millimètre de plus de largeur, un petit peu plus vibrant dans les couleurs, puis oups, tu sais, non. En vrai, c'est pas grave. C'est le fun quand même. Tash.com. C'est déjà tout pour cette édition de CNX.zip. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine, jeudi à 10h ou dimanche à midi. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver les notes de l'émission et les balado-diffusions sur assemblagerequis.com. Et évidemment, ces chroniques proviennent de l'Assemblage Requis, animé par François-Olivier Marchand et moi-même, du lundi au jeudi entre 7h et 9h. C'était Mathieu Plante. Passez une excellente semaine et à la prochaine. Trash.com. Dash.com.